les aéronautes marchaient avec une vitesse de 12 000 à l'heure et se trouvèrent bientôt par 38 degrés de longitude au-dessus du village de Tonda. Vers 6h30 du soir, le Victoria se trouva en face du mont Dutumi. Il dut, pour le franchir, s'élever à plus de 3000 pieds. À 8h, il descendait vers son opposé, dont la pente était plus adoucie. Les ancres furent lancées au dehors de la nacelle et l'une d'elles, rencontrant les branches d'un nopal énorme, s'accrocha fortement. Aussitôt, Joe se laissa glisser par la corde et l'assujettit avec la plus grande solidité. L'échelle de soie lui fut tendue et il remonta lestement. L'aérostat demeurait presque immobile, à l'abri des vents de l'est. Le repas du soir fut préparé. Les voyageurs, excités par la promenade aérienne, firent une large brèche à leurs provisions. « Quel temps avons-nous fait aujourd'hui ?» demanda Kennedy en avalant des morceaux inquiétants. Le docteur consulta l'excellente carte qui lui servait de guide. Cet atlas contenait l'itinéraire de Burton et Speke au Grand Lac, le Soudan, d'après le docteur Barth. Ferguson s'était également muni d'un ouvrage qui réunissait en un seul corps toutes les notions acquises sur le Nil et intitulé « Les sources du Nil » par Charles Beck. Il possédait également les excellentes cartes publiées dans les bulletins de la Société de géographie de Londres. Il fut décidé que la nuit serait divisée en trois quarts, afin que chacun pût à son tour veiller à la sûreté des deux autres. Le docteur dut prendre le quart de 9h, Kennedy celui de minuit, et Joe celui de 3h du matin. Donc, Kennedy et Joe, enveloppés de leur couverture, s'étendirent sous la tente et dormirent paisiblement, tandis que veillait le docteur Ferguson.